que jouons-nous ? Ce jeu est destiné à 2 à 3 joueuses, où chacune endossera un rôle spécifique. Nous jouerons l'émergence d'un Orla. Nous observerons 3 phases successives, la naissance, la souffrance, l'émergence. Chacune des phases sera elle-même scindée en 3 prises de parole successives par les joueuses. Il s'agit donc d'une narration alternée. Ici, toute énonciation est définitive et chacune apportera dans son tour de parole des révélations sur le Orla qui seront éventuellement amendées dans le tour de parole suivant. La pensée primordiale, le premier rôle à entrer en lice, tente de maintenir le Orla dans une apparence qui évoque la pensée qu'il a vue naître. Elle veut que le Orla demeure à l'image de cet amas chaotique de pensées confuses qui errent dans la forêt, telles des bêtes sauvages. Le flux d'Egrégor sont des peurs égarées par leur légitime propriétaire. Elles errent à la recherche d'un endroit où planter leurs griffes et sont attirées par la présence du Orla. Pour elles, il incarne le dernier refuge possible, il les préserve du néant et de l'oubli. Shub-Niggurat, la seconde entité, est une divinité aux 1000 visages. Elle a accompli toutes ses ambitions. Elle souffre toutefois d'un mal étrange qui pourrait la submerger si elle renonçait à s'en prémunir, l'ennui. Le Orla est pour elle un breuvage où tremper ses lèvres innombrables. Ce réceptacle des pensées les plus étranges et les plus incongrues, ses singularités aiguisent ses appétits et ravissent son palais. Toutefois, sans le flux incessant qui baigne la forêt, sans la souffrance ou sans contrainte, cette âme s'étiole. Ainsi, afin de préserver cette source à laquelle puiser indéfiniment, elle y appose son empreinte. Elle imprime cet ancrage afin de se saisir de ce résidu d'humanité, ce fétu d'âme, source précieuse de distraction. Enfin, le troisième rôle, un fétu d'âme conserve une part souhaitée par lui inaltérable de sa défunte humanité. Il tente d'imposer sa singularité au monde fluctuant de Milvaux. Ce fragment souhaite éperdument préserver l'intensité de ses souvenirs, ses émotions, des noirceurs de la forêt qui avance. En s'affirmant par ses bienfaits et en déjouant les forces tentatrices qu'offre la pensée primordiale ou Shub-Niggurat, il dépassera sa condition de Orla et renouera avec son humanité passée. La première étape va consister pour nous trois à définir une peur. Avant même d'aborder la première phase, la phase de naissance, chacun choisira un verbe lié à une émotion. Aimer, haïr, craindre, espérer, envier. Plus le verbe est général, plus ce sera porteur. Chacun choisira ensuite une personne, un objet, une entité, une attitude. Ne rien nommer explicitement, utiliser des termes génériques. Cette phrase, ce groupe nominal, sera l'inflorescence, ce que vous retrouvez sur la petite fiche qui est devant vous. Ces informations vont être notées, le papier plié en quatre est conservé devant chacun d'entre nous. Le bol rempli... Pourquoi plié en quatre ? C'est la cacher, c'est ça ? Oui, il sera caché aux yeux des autres et... Lorsque vous le rédigerez de façon lisible, mais il ne doit pas être vu par les autres participants. Donc devant vous est placé un bol qui contient des jetons blancs et des jetons noirs. Les jetons blancs seront les bienfaits, les jetons noirs, les noirceurs. Lors de la phase de naissance, sans concertation préalable, le premier d'entre nous qui aura la volonté d'entamer le tour, endossera le rôle de la pensée primordiale et proposera au travers de sa contribution sa vision de la naissance du Orla choisi. Son intervention se devra de transmettre aux autres joueurs la peur préalablement définie sans pour autant utiliser aucun des termes qui ont été notés sur la fiche. Ça servira lors de cette phase comme d'un guide, mais vous devrez vous abstenir d'utiliser les termes. Trouvez d'autres mots, des périphrases, mais vous devez d'évoquer l'idée. Et je présume que le but, c'est que les autres trouvent l'idée et les mots que tu ne devais pas prononcer. Après, tu verras, c'est plus subtil que ça. Ça, c'était l'idée d'Arjuna Ken. Elle devra murmurer à son auditoire sa vision. Donc, c'est un jeu intimiste. Pendant son récit, les autres ne pourront qu'approuver en déposant devant elle un jeton blanc ou désapprouver au moyen d'un jeton noir. Elle pourra elle-même affirmer la véracité d'un point de son récit en s'octroyant un bienfait ou indiquer une ambiguïté, une invitation, de façon à ce que d'autres amendent un autre point de son récit, de son évocation. Lors de cette première phase, tous les joueurs, mais par la suite, toutes les joueuses sont invitées à réagir spontanément, selon ce que leur dicte leur cœur, et non ce que dicte l'esprit ou ce qu'ils ont couché au préalable sur le papier. Après interviendra Shub-Niggurath, qui donnera sa vision de la naissance du Horla, et enfin, le fétu, la part de ce Horla qui veut résister à l'emprise. L'enjeu dans cette première phase, c'est de voir coexister trois visions distinctes, peut-être contradictoires, mais qui vont placer la richesse du récit. La seconde phase, la souffrance, commence par l'ordre de jeu déterminé dans la phase précédente. Il a été déterminé en dénombrant le nombre de bienfaits le plus élevé autour de la table. Le joueur qui a le plus de bienfaits jouera dans la seconde phase le fétu, tandis que celui qui a le plus grand nombre de douceurs jouera Shub-Niggurath. Mais on n'altère pas l'ordre pour autant, l'ordre d'énonciation. D'abord la pensée primordiale, Shub-Niggurath, et enfin le fétu. Dans cette seconde phase, chacun, selon son prisme, va exposer une vision de l'avenir du Horla, ce qu'il pourrait devenir s'il poursuivait sur cette voie. Chaque assertion qui, par sa beauté, par le trouble, émeut une joueuse, sera rétribuée par un bienfait. Chaque affirmation qui contredit la peur que vous aurez noté votre feuille sera marquée d'une noirceur. À l'issue de cette phase, lorsque le fœtus sera exprimé, on dénombrera le nombre de noirceurs et de bienfaits. Celui qui détiendra le plus de noirceurs deviendra Shub-Niggurath pour la phase suivante, tandis que celui qui a le plus de bienfaits à son actif sera le fœtus. Dans la dernière phase, l'émergence, vous énoncerez dans votre tour respectif le Horla s'accomplit. Comment il émerge, comment d'une inflorescence il devient le Horla, ou comment, du point de vue du fétu par exemple, de Horla il redevient homme. Dans cette phase, vous, qui est une phase de révélation, vous appuierez de façon ouverte et vous pourrez utiliser les mots contenus sur votre feuille. Tous les mots qui correspondent, tous les aspects qui correspondent à un mot de votre feuille seront payés alors d'un bienfait. Et tous les mots, au sens traitance souffrance, seront payés d'une noirceur. On totalise alors bienfait noirceur. Et celle qui détient à l'issue de cette troisième phase de l'émergence le plus de bienfaits dispose d'un tour de parole supplémentaire, mais qui est très particulier. Ce tour de parole a pour but de clore le récit. Celle qui a eu le plus de bienfaits, je le rappelle, a vocation à clore le récit. Mais elle pourra être interrompue autant de fois que les autres joueurs détiendront de noirceur. Ce sont des points de contradiction. Elle pourra toutefois nier, noyer ces points de contradiction par 3 points de bienfait. Chaque point de contradiction pourra être noyé par 3 bienfaits, de façon à conserver l'entièreté de son tour de parole conclusif. J'ai compris. Trois pierres blanches égale une pierre noire. À la fin. C'est cher la pierre noire. Mais... Okay. Mais après, tu les utilises. Mais ça confère une autorité définitive sur l'histoire que nous avons évoquée. Ça n'interdit pas totalement aux autres d'intervenir. C'est la seule phase où on peut se contredire. D'accord ? Dans toutes les autres phases, chacun est dans son tour d'énonciation et ne peut être interrompu par les autres participants. Gabriel évoquait une question subsidiaire, non consignée pour l'instant dans la règle, mais qui le sera. Dans la dernière phase, celle de l'émergence, si l'on n'est pas dans la position dénonciateur, si on ne détient pas l'autorité pour clore le récit, on peut renoncer valablement à jouer ces contradictions, parce qu'on adhère avec ce qui est dit. On veut que le récit se poursuive. Et on peut s'opposer au point de contradiction de l'autre joueur qui ne clôt pas le récit. Alors, là, j'ai encore une question, même si ça paraît très bête. Est-ce qu'on peut mettre un point de contradiction et mettre des pierres blanches pour attirer le point de contradiction de l'autre? Alors, j'ai pas compris. Non, si tu veux t'opposer à la contradiction qu'émettrait l'autre joueuse, tu dois jouer ce qui te reste de pierre blanche. Mais je peux pas jouer de pierre noire. Non. D'accord. Ton pouvoir de renforcer le récit parce que tu le considères aller dans le sens qui te convient tout à fait finalement, ne se borne à ce que tu peux apporter comme aide au travers de tes bienfaits. Ça reste de façon à ce que ça reste cohérent et progressif. Est-ce que l'exposé de la règle vous semble clair? Oui, mais moi j'ai l'impression d'avoir loupé une partie, donc je pourrais lire. Oui. Donc là, la situation est particulière. C'est un essai, un galop d'essai. On ne sait pas ce que donnera ce jeu conçu isolément par rapport à un propos, repris au sein des ateliers imaginaires sur une proposition initiale d'Arjuna Khan. J'en dévie très largement. Je ne sais pas si ça va être aussi porteur que je le souhaite, mais je l'ai conçu dans l'idée de compléter le jeu que nous avions au sein de l'empreinte. À cet égard, donc, on va pas faire de... Vous n'allez pas être confronté à un grand vide. Vous allez vous focaliser sur l'un des personnages ayant disparu à l'issue de l'acte que nous venons de jouer dans l'empreinte. Et on va s'attacher à déterminer en quoi il est devenu un hors-là ou en quoi il a su résister à l'emprise. On parlait de l'acte 3. Oui. Je précise, c'est ton jeu. Et donc, celui que nous avons retenu après délibération, c'est l'anguille. Vous allez donc élaborer, je vous laisserai un temps, moi aussi je ferai de même, l'inflorescence d'anguille en tant qu'orla et la raison de cette crainte. Puis lorsque nous aurons... chacun rédiger notre élément, nous plierons notre petit papier et pourra commencer la première phase, celle de la naissance. J'achèverai en vous proposant des formulations que j'ai trouvées élégantes. C'est une réflexion de Thomas Munier autour de la première mouture des murmures de Choubnigourat. Au départ, le Horla était un humain. son épouse trouvait qu'il mangeait comme un porc. Elle lui disait tout le temps, avec mépris. C'est comme ça qu'il a commencé à devenir un homme porc. L'homme porc, ça me fait penser, ouais, Yoshihiro plus qu'autre chose, mais bon. À chaque fois que le Horla rencontrait une personne âgée, il l'agressait. Son premier véritable crime, ce fut quand il attrapa une petite vieille et lui fit manger toutes ses rides. Spécial comme passion. Donc, la hantise de devenir un homme porc. Et pour le second, ce serait « Je ne veux pas vieillir ». Donc voilà, ce ne sont que deux formulations extrêmement simples et lapidaires. Idéalement, ça devrait être développé. Et il faut envisager un tour de parole comme un petit récit. Donc, nous aurons au total 3 fois 3, 9 petits récits qui vont établir comment Anguille est confronté à un statut de Horla et comment il en sort. Vous pouvez utiliser le contexte que nous avons développé dans l'empreinte. Donc, nous avons disposé d'un petit temps chacun pour définir une orientation, définir racine et inflorescence à notre Horla, qui en l'occurrence est l'anguille. Puisque c'est un essai, je vous propose de commencer et d'être la pensée primordiale sur cette première phase de naissance. Nos cœurs s'unissent et frémissent dans ton sillage. Languis, languis. Nos cœurs languissent. Qu'à nous tu te joignes. Le jeune homme qui se faufile avait souhaité toujours, avec l'impatience d'un damné, quitter la terre charbon des hommes qui l'exploitaient. Et c'est ainsi qu'il s'est perdu dans nos bois. qu'il s'est perdu et que nous l'avons repêché, que nous l'avons, que nous lui avons donné un intérêt, que nous l'avons façonné. L'anguille était devenue sa pire des craintes. Il a fui la présence humaine. Il refusait de se faire toucher par ses camarades. Il ne pouvait les toucher. Cela lui a progressivement fait s'éloigner du groupe de ses camarades. Cela a été le début de sa destruction. Il lui a permis de se retrouver seul et donc d'éviter ses camarades à terme. Mais seul avec la potentielle égrégore n'est-elle pas pire que de succomber à sa peur? Donc à l'issue de ce tour, la troisième joueuse, en l'occurrence Mathieu, a recueilli trois bienfaits. Gabriel, qui a été Choubnigorat, a recueilli un bienfait et une noirceur. Et pour ma part, j'ai recueilli la même chose. Donc autant la désignation du tour de Fétu pour la deuxième phase est évidente, autant elle pose problème pour Choubnigorat et la pensée primordiale. Dans la mesure où nous avons eu chacun déjà l'un et l'autre, je propose, puisque le cas n'est pas prévu dans la règle, en l'état, qu'on inverse nos phases actuelles, ce qui permet de varier les angles de vue et ajouter la diversité au donc propos. Donc toi, tu serais Choubnigorat. Je serais Choubnigorat, donc je parlerai en second, et toi, tu parleras en premier sur cette deuxième phase. Nous avions vu l'homme qui se faufile se débattre encore, encore comme chaque fois. Mais la solitude qui avait commencé à les prendre, nous a permis de planter nos crocs acérés dans son corps frêle, si frêle. La créature est alors devenue un Orla qui hantait les bois de la terre de charbon, les bois maudits du Voïvode. Sans cesse et ses feuilles, il les découvre et il les livre, il nous les livre, il nous délivre de cet ennui astreignant, assommant, toujours plus terrible. Ah, qu'il est bon d'avoir parmi nous ces languilles, languilles qui se et tente, ah, que c'est plaisant de nous échapper, mais jamais, jamais, vraiment, il ne nous échappe, jamais, jamais, il ne s'éloignera suffisamment, toujours, il est en inserts, et nos cerfs s'avident par lui, peu de nouvelles. Depuis sa séparation du groupe, dû au fait qu'il ne pouvait se contraindre à toucher qui que ce soit, ou se faire toucher par qui que ce soit, il tente de résister à l'emprise et autres méfaits de l'égrégore par divers moyens. Par exemple, pour trouver compagnie, il s'imagine ses anciens camarades avec qui il discute à travers d'animaux, de végétaux, de minéraux. Bref, au travers de tout ce qui est autour. Cela pourrait peut-être développer une schizophrénie à terme. Mais... Chante-t-il ? Hein ? Excuse-moi. Schizophrénie à terme, mais... Cela, pour l'instant, lui permet de rester à peu près sain d'esprit. Donc, nous avons eu l'occasion, dans cette phase de souffrance, de déterminer comment Orla l'anguille était. À l'issue de cette phase, on dénombre le nombre de bienfaits. Donc, en l'espèce, Mathieu totalise 6 bienfaits. Gabriel, 2 bienfaits, 2 noirceurs. Et pour ma part, 3 bienfaits, 1 noirceur. Donc c'est moi qui vais reprendre le rôle de Choubnigourat. Toi, le rôle de la pensée première. C'est pensée première. Et moi, je garde mon rôle de fétu. Fétu. Voilà. Ouais, nous, on n'arrête pas d'inverser et toi, tu restes toujours le même. Donc, tu es confirmé dans ton rôle de fétu, c'est toi le dernier qui prendra la parole. Non. la pensée primordiale prendra la parole la première. Donc ça fait toi, Gabriel, moi. Exactement. Ça c'est comme pour le premier acte. Exactement. Comme pour le. Ça c'est pour le tour de parole. La particularité de cette phase, donc l'émergence, c'est que nous avons vu donc comment le Orla avait émergé. C'était la naissance. Comment le Orla devenait et comment était le Orla du point de vue de chacune des instances. Chacun des prismes, des points de vue. C'est ce que nous venons d'évoquer. Et dans cette dernière phase, nous allons déterminer ce qu'il est véritablement. Nous allons avérer la situation. Donc, pour ce faire, nous allons mettre au jour ce que nous avions noté comme inflorescence respective, racine. Nous pouvons utiliser nos racines et nos inflorescences, cette fois-ci. Mais on va s'exprimer non pas du point de vue idéal dans lequel on pouvait se placer lorsqu'on les a rédigés, mais dans la situation où nous sommes actuellement dans le tour de parole. Donc moi, j'énoncerai la pensée de la pensée primordiale. Est-ce que ce qui sera le futur et la réalité du hors-là. Si par exemple, toi, tu seras... Choubnigourat. Mais si j'étais resté la pensée première... Primordiale, ouais. Primordiale, pardon. Je t'aurais piqué ta feuille ou non? J'aurais fait... Non. C'est... tu vas énoncer ce que toi, tu avais noté, mais avec comme changement, comme éventuel changement par rapport à la façon dont toi, tu l'as noté, le prisme qu'est celui... Là, c'est pas le cas. En gros, on doit lire notre texte selon le prisme de notre version. Pas le lire, mais... Mais tu en prends des morceaux... Tu peux l'utiliser pleinement. Réutiliser. Donc cette fois-ci, j'ai le droit d'utiliser ce qui est écrit. Voilà. Yes, je vais pouvoir arrêter de galérer sur cet animal. Vous avez probablement dû deviner lequel c'est, d'ailleurs. Et tu vas pouvoir le révéler et avérer ta position. Et après, le but, c'est de dire, d'affirmer, si toi, tu es le fœtus, c'est comment... Il a survécu. Comment il n'est plus Orla. Ouais. Moi, je suis la pensée primordiale, c'est comment je l'ai englué. D'accord ? Et lui, c'est comment il l'a séduit. Exactement. Et donc, on va énoncer chacun, puis on va totaliser à nouveau nos bienfaits et nos noirceurs. Et selon le cas, on déterminera... Les noirceurs, cette fois-ci, c'est si on n'est pas d'accord ou s'il y a incohérence ? C'est si on est en désaccord avec cet élément. Ok, donc si j'aime pas concrètement ce que tu dis, pierre noire. Voilà. Là, il y a plus, c'est plus facteur d'incohérence, mais... C'était que sur le précédent, ok, d'accord. C'est pour le... Non, moi, franchement, de là, ce qu'on en fait, j'en profite. Je trouve le récit et les mécaniques assez bien pensées. Et ça permet, là, déjà, l'émergence d'un récit, plutôt... Donc... sympathique à mon goût. Donc, selon le domaine où vous êtes, vous allez, la particularité, affirmer comme une conviction ce que devient votre Orla. D'accord ? Donc moi, puisque je suis la pensée primordiale, je vais exprimer ce que j'ai sur ma feuille comme des mots, parce que c'est ce que j'inflige au personnage. Et je vais me payer sur le pot en mots. Chaque point, le mot. Hein, voilà. Chaque point d'affirmation et de conviction sont des mots. Me vaudra un mot. T'as fait exprès que ce soit les mêmes. En gros, dès que tu donneras un mot MAUX, voilà, on te donnera un jeton. Voilà, moi je prends une noirceur à ce moment-là, mais qui est un mot dans cette phase-là. Et Gabriel, c'est pareil ? Gabriel, c'est pareil, puisqu'il est Choumnigorat. En revanche, toi, tu es le fœtus, ce ne sera que quand c'est un mot. Un mot porteur de sens, un mot porteur d'humanité. M-O-T-S cette fois-ci. Voilà, M-O-T. Donc, un mot. Ouais, c'est pas faux. Donc quand je dis un mot porteur, je prends une noirceur. Mm. Et pour annuler une noirceur, c'est 3. Bien fait. Ah là là là là. Et donc là, à l'issue de cela, on va totaliser... nos bienfaits. Nos bienfaits. Et... nos noirceurs. Nos noirceurs. Donc là, sur l'issue... Dès cette phase-là, compte tenu de la façon dont nous avons payé les uns et les autres, et notre position, moi je ne peux récolter désormais, a priori, que des noirceurs. Après, on a toujours la possibilité, en tant que joueuse qui écoute, de payer d'un bienfait ce qu'on trouve chouette. Hein, oui, oui. Ou qui aime. D'accord. Mais, a priori, moi je ne peux récolter dans cette phase que des noirceurs. Pareil pour Gabriel. Et moi aussi. Non. Non. Si toi, c'est dans le sens, tu vas récolter encore des bienfaits. Ah ! Est-ce qu'on peut mettre d'accord, des... Donc, là, c'est la fête. Donc, pour toi, a priori, tu es déjà désigné encore et toujours comme le fœtus. Tu d'accord. vois, il y a un caractère inéluctable. Il y a celui qui défend l'humanité de notre Orla. Et puis, il y a ceux qui s'acharnent à l'engluer dans... C'est soit celui qui l'englue, soit qui le séduit. Voilà. Et ça change. Enfin, ça a plus de chances de changer que celui qui défend. Voilà. Ok, d'accord. Et après, on fera la phase conclusive. L'anguille, l'anguille, toi qui crains le contact des hommes, toi qui les fuis de peur d'être gangréné par leur crainte même, par leur peur, par leur douleur, par leur souffrance, toi qui as fui le commerce des hommes, tu es désormais condamné. Tu es désormais condamné à errer avec nous, auprès de nous, en nous. Tu es condamné à souffrir leur souffrance, à partager leur crainte avec nous, à nous nourrir de leur peur, à nous nourrir de leur crainte. Et plus tu fuiras ta solitude, et plus toi, l'anguille qui échappe aux hommes, te mêlera à eux. Ta condamnation est éternelle, car éternellement tu serviras nos desseins, éternellement tu suivras le cours de nos rivières, éternellement tu boiras à nos eaux et épancheras les peurs et les craintes des hommes en notre calice. L'homme qui se faufile, c'était... qui s'était mis à espérer des à espérer d'une manière folle libération, afin de quitter la terre charbon des oncles, de quitter leur autorité qui l'insupportait, il s'était perdu. Nous l'avions séduit et nous lui avions montré nos forêts, les forêts de Millevaux, où errent maintenant ses semblables, les dénommés Orla, ceux-là qui chantent de leur mélodie afin de combler leur solitude, afin de montrer à tous qu'ils sont les nouveaux maîtres des lieux, qu'ils sont qu'ils sont les nouveaux maîtres des lieux, qu'ils envahiront tout comme le territoire qui est leur, la forêt. Depuis ce... le fait que il soit tenté de devenir un Orla et qu'il tente d'y résister, dû à sa crainte du contact, il résistait en s'imaginant ses amis par-ci, par-là, à tel point que certains diront que c'est prévisible, mais il développa d'autres personnalités. Ces personnalités lui servent de rempart contre les tentations diverses et variées. Mais au fur et à mesure, sa personnalité originelle, pourrait-on dire, parvient à s'affirmer et à, non pas balayer définitivement, mais faire s'éclipser les autres qui lui ont servi de bouclier, afin de revenir vers sa propre communauté. Donc nous avons fait les trois phases. On dénombre bienfaits et noirceurs. Là, à l'issue de cette phase, c'est toi, Mathieu, qui totalise le plus de bienfaits. Tu en as 7. Et vous êtes à égalité sur les noirceurs, toi, Yomrel, je crois. Non. Je t'en ai filé une. Ah, ok. Si tu veux, je t'en file plus. Hein. Ouais, vas-y. Et donc, cela implique que c'est à toi qui les choix de clore le récit. C'est à toi de... Donc il t'incombe de clore le récit. Dans cette dernière phase conclusive, nous pouvons payer nos contradictions, nous opposer à ce que tu évoques et prendre la parole, ce faisant. Et pour cela, on a autant de possibilités que de noirceur. Mais toi, tu peux nous opposer... noyer l'une de nos noirceurs par 3 bienfaits. Ok, donc en gros, je peux contrecarrer 2 des 5 que vous pouvez m'infliger. C'est cela. Mais on peut choisir délibérément de ne pas t'infliger de noirceur, et on peut, même au fur et à mesure du récit, payer ou s'opposer à la noirceur d'un autre. D'accord. Ok. Et c'est donc à toi qu'il est choix de clore notre histoire autour de l'anguille. Ainsi, pour se libérer de la tentation et des souffrances qu'il a endurées, comme je n'ai pu l'évoquer précédemment, il y a bien eu un dédoublement, voire détriplement, enfin bref, il y a eu plusieurs personnalités. Mais ce n'a pas été aussi simple pour se libérer de, des tentations diverses. Il s'est d'abord rapproché du contact humain de façon générale. Une guerre ayant commencé à se propager à proximité, il se rapprocha des camps de fortune, ici et là. Ayant repris suffisamment de force, il tenta de revenir chez les oncles, qui ne l'y ont plus vu depuis un moment. Nous ne le reconnurent même. Ne le reconnurent même pas. Donc il partit dépit vers son ancienne cache avec les autres. Et depuis lors, personne ne sait ce qu'il était devenu, advenu de lui. Pour ma part, en inflorescence, craint le contact. Mathieu avait la même chose. J'avais comme racine. Alors qu'il entre en contact tactile avec autrui, l'anguille ressent leur crainte, éprouve dans ses chairs leur douleur. Et Gabriel, tu avais ? Alors, mon inflorescence, c'était espérer libération, tout comme le projet, c'était là le jeu de mots. Racine, donc pour les racines, il souhaite se libérer de la tutelle des oncles et de leur. Et fuir la terre charbon. C'est ainsi que Choubnigourat put lui montrer ses terres, les forêts de Milvaux. Donc on était franchement pile dessus pour la dernière phase. Moi c'était. Racine, c'était quasi. C'était pas mot pour mot, parce qu'on avait pas le droit d'utiliser les mêmes mots, mais c'était. Dans la même idée, c'était évitant le contact depuis lors, donc depuis que l'inflorescence s'est déclarée. Il s'est petit à petit retrouvé seul et est devenu une proie facile pour les Grégor et les Orla. Et c'était bien craint le contact, et on s'est même pas concerté, c'est ça qui est drôle d'avoir utilisé exactement les mêmes mots. Donc, en conclusion. Je dirais que déjà on a un peu le devenir de notre ami l'anguille, donc moi ça me satisfait. Par contre, je tiens à préciser, je n'ai pas dit qu'il était mort. Oui. J'ai dit juste qu'il est revenu et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. À toi de t'amuser avec maintenant. Vous aurez noté qu'il y a une dynamique liée à l'écoute qui fait que on était tellement dans l'écoute qu'on n'a pas songé à s'opposer. On écoutait patiemment ce que. Par exemple, la naissance, quand tu as commencé, on n'a même pas posé de pierre. On n'avait pas tout à fait tous intégré la règle, on l'a fait a posteriori. Donc ça, ce serait un peu bizarre si tu n'avais pas intégré la règle. C'est un aspect qui est peut-être à améliorer ou sur lequel insister. Moi, il y a une critique que j'aimais. C'est le fait, moi, qui me paraît un peu. Qui va gêner le truc, c'est que les pierres, autant je trouve le principe assez bien, mais il y a. Dans l'acte 2, j'avais commencé à parler à Mathieu et en fait, il n'y avait pas le droit, mais je trouve que le fait de pouvoir essayer de guider l'autre comme ça en posant des questions clés, par exemple, est-ce qu'il chante, ce que j'avais dit, ça peut permettre d'enrichir la phase de chacun. Et à chacun de développer plus encore la narration, ce qui peut, comme ton jeu a ta but esthétique, ça peut encore développer le côté d'esthétique et d'empathie. Justement, moi je m'étais fait interrompre et j'aurais pas répondu, enfin si, mais après. Moi je serais pas contre. Mais à condition qu'il y ait un signe, quelque chose comme ça, qui soit défini entre les joueurs, pas par la règle, parce que, par exemple, chez les uns, faire deux coups sur la table, ce serait une insulte, et pour d'autres, non, ce serait « je t'aime » ou quelque chose comme ça, bref, enfin, des signes de chacun. Chacun choisit son signe, enfin, un signe défini autour de la table pour dire « c'est à mon tour ». C'est un peu comme ce que j'ai souligné, je sais plus quand, il y a un moment maintenant, par rapport à... par rapport au goupil, où on l'interpellait et je trouvais que ça pouvait être... impacté négativement. Dans certains cas. Il y a juste cette limite. Donc éviter de prendre un terme qui pourrait être de façon négative. Après, encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais c'est mon avis. Est-ce que vous avez... est-ce que pour vous, ça peut être un moyen alternatif, par exemple, dans le cas d'une partie d'emprunt, ça peut constituer un mode de désignation de l'empreinte alternatif lorsque l'empreinte s'attache à l'égrégore ou à l'emprise en elle-même. Oui, oui. Mais c'est, en fait, ce serait le... C'est un peu long. Il faudrait que ce soit forcément en fin d'acte, parce que faire ça au beau milieu d'acte, c'est gênant. Et déjà que nous, on n'a jamais pu le faire en entier dû à nos emplois du temps respectifs. Je suppose que l'empreinte s'est fait pour être fait en convention, quelque chose comme ça à la base, non? C'est un one-shot dans tous les cas. C'est un genre one-shot. Ouais. Le défaut, c'est que si on s'amuse à faire ça entre chaque truc, ça passerait de one-shot à deux ou trois one-shots. Un peu comme ce que nous on fait. Mm-hmm. C'est le risque. Après, si jamais, je sais pas, ils ont 12 heures devant eux et ils ont boisson, pizza et toilette à volonté, oui, voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est le risque. Alors, est-ce que vous trouvez que le fait que les jetons circulent apporte quelque chose? Alors, oui. J'ai pas pu répondre, il me semble, à la première question que t'as posée auquel Mathieu a répondu. Laquelle? Celle à laquelle tu viens de répondre il y a même pas deux minutes. J'ai plus tous les termes en tête, mais j'ai l'idée. Oh, okay. Donc, moi, je trouve que ça peut franchement s'intégrer avec. Et que en fait c'est un mini-jeu pour l'empreinte. Enfin, pas comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas mini au sens je le prive de l'aide de noblesse ou de. Voilà. De... C'est simplement qu'il se range à l'intérieur, c'est qu'on peut le sort comme une année de répit. On peut le déployer, par exemple, pour l'émergence d'une communauté. Et je trouve que ça va même très bien puisqu'on l'a joué dans ce cadre-là. Ça va très bien avec l'empreinte. Ça peut être aussi quand les joueurs meurent à cause du nombre d'empreintes, être une façon d'accompagner leur mort. Voilà, dans ce cas-là, par exemple, qui meurt à l'acte 3, ça peut être une façon de faire un acte 4. Mais dans ce cas-là, c'est le fait tout. N'a absolument pas la main vu qu'il arrive forcément quelque chose de négatif. Il fait tout, est censé représenter la partie positive. Oui, mais on a vu dans la mécanique. Oui, que même je peux dire des cochonneries si ça m'amuse. Enfin, des cochonneries. Des crasses qui pourraient lui arriver. Non, mais on a vu qu'il y avait une certaine dynamique due à l'écoute qui faisait que même si on passait par quelque chose de sombre, on avait tendance à. Puisqu'on était sur une démarche plutôt esthétisante, mais vous étiez aussi dans une volonté de rédemption par rapport au personnage, parce que je vous avais proposé de vous inspirer d'un, non pas d'un personnage créé à la volée, qui deviendrait alors là, mais un personnage qui vous était attaché. Alors, c'est un des trucs qui me paraissait un peu étrange à la lecture, c'est de créer un être. Quelqu'un qui va devenir un Orla, sur le simple fait d'avoir trois inflorescences, et en fait que chacun ne connaisse pas vraiment le personnage, que le personnage par exemple soit juste une image, qu'on lui donne Robert. Selon moi, là à ce moment-là, on peut pas faire un truc de concret avec. En soi, c'est un peu ce qu'on demande lors de la création de fiches de personnages ou empreinte. On te demande trois concepts. J'ai oublié le nom exact, mais objectif en soi. Vocation. De vocation et deux d'attitude. Donc ça revient au même. T'as deux attitudes, le fouta et le fétu, je vais y arriver un jour, l'autre dont j'ai oublié le nom, Choubnigourat, et en soi la vocation qui est incarnée par l'esprit. La pensée primordiale. Enfin, c'est mon avis sur la question. Mais je sais plus ce que je voulais dire, du coup, mais je voulais rebondir sur le truc que tu as dit tout à l'heure. Génial, j'oublie ce que je veux dire. Bah vas-y, si t'as quelque chose à dire, je vais essayer de me souvenir de ce que j'avais voulu dire. Pour répondre un peu à ce que tu dis, moi je pense que, mais il faudrait les prouver, hein, c'est qu'une affirmation gratuite à ce stade, je pense que la dynamique sera encore plus grande avec un personnage qu'on ne connaît pas. Parce que là on aurait, j'explique pourquoi, là on a une tendance, c'est ce que je disais juste avant, une tendance qui va vers une rédemption. Parce que vous étiez tous les deux attachés au personnage. Vous aviez un affect vis-à-vis de lui. Le fait que vous n'ayez pas d'affect, que vous créez le personnage au travers de ses travers, on est presque dans la dimension de arbre et plus dans celle d'empreinte. Alors, Donc, on arrive à quelque chose où on peut avoir des niveaux de perception différents, et justement, c'est là où la dernière phase, l'émergence, résout la situation et où la conclusion vaut quelque chose. Alors, juste par rapport au personnage, tu dis qu'on s'est créé un affect. Moi, j'étais plutôt très, très neutre à l'égard de Languille. De Languille. Pour moi, c'était juste le mec qui a dit « Ouais, on va le caillasser. » Voilà. Pour dire... Donc, j'étais... Franchement, je savais... À la base, quand on a choisi... Le personnage dont on s'est concerté pour choisir parmi les quatre, c'était pas du tout le mien, c'était le mec que je voulais éviter à tout prix parce que je n'avais rien à dire dessus. Finalement, j'ai fait un truc qui en soi pouvait se mettre avec tous les personnages puisque tous sont des marcheurs de l'ombre. Oui, voilà. Ils veulent espérer ils espèrent tous la libération. Je t'ai mis une pierre noire et puis une pierre blanche. Après, c'est juste que. À titre personnel, dans la naissance, je sais pas, j'accrochais pas au vote de naissance. Bon, après, c'est peut-être dû au fait que bah, la mienne, c'est moi qui l'ai écrit et c'est pas moi qui ai écrit les vôtres. Hein. Mmh. C'est peut-être en partie dû à ça, mais bon. De toute façon, on va pas y changer. Hein. Et je pense pas que ces pierres-là auraient changé beaucoup de choses. Bah, ça aurait fait que. Vous auriez perdu tous les deux une noire. Et que donc, on n'aurait pas défini ni le fœtu. En fait, on aurait défini aucun des rois. Le fœtu aurait quand même été défini, il m'avait donné trois pierres blanches. Ouais. Mais on aurait quand même tiré au sort vos choix en inversion, donc en fait ça n'aurait strictement rien changé. Mais par rapport au 15, au dénombrement des pierres, on arrive toujours à des situations, alors là où on n'a pas toujours d'égalité, c'est entre de partage, et où on peut être sur une égalité, c'est effectivement entre la pensée primordiale et Shub-Niggurath. Mais globalement, La mécanique des pierres fonctionne et je dirais que le volume de 15 pierres et le fait qu'il soit tari si on est dans le canon esthétique que la table veut, que les sources de bienfaits se tarissent d'elles-mêmes ou que l'inverse pourrait fonctionner de la même façon. Hein. Y en a un qui emporte le récit, mais quand ça va dans un sens, en fait, ça tarit de soi-même et ça permet d'équilibrer et de répartir le temps de parole. Donc, je trouve que, globalement, les pierres fonctionnent. Après, sur la question que se posait Thomas, avant même que nous jouions à la lecture de la mouture qu'il avait entre les mains, la toute première mouture, il s'interrogeait sur le fait que nous ayons tous les trois aspects du hors-là, que nous désignons dans un premier temps fœtu ou pensée primordiale ou Shub-Niggurath, que nous ayons les mêmes critères pour définir le hors-là. Et en fait, c'est le fait d'avoir ces mêmes critères et de les questionner avec des perspectives différentes nous-mêmes qui crée la dynamique et qui nous fait changer notre regard sur le hors-là. Donc moi je trouve que là on est c'est ce qui nourrit l'empathie autour de la table. Moi j'ai pas eu en fait j'ai pas été. Elle avait pas fini. Je voulais juste dire que si je n'avais pas eu cette dynamique parce que j'ai changé de position, j'ai été alors pas beaucoup, j'ai pas été le fœtu, mais j'aurais eu un autre propos si j'avais été le fœtu. Mais ne serait-ce que passer de pensée primordiale à Shub-Niggurath, j'avais, tout en ayant les mêmes cartes en main, la même préoccupation, je nourrissais un autre récit, de mon point de vue. J'avais une autre volonté à communiquer à la table, d'autres émotions à proposer. Et c'est ça que je trouve riche, que de partir exactement avec les mêmes points de définition et se partager l'image, fractionner l'image en une multitude de fragments et le reconstituer ensemble. Donc, moi, le personnage, j'ai pas eu tellement d'affect pour lui. C'est peut-être un peu le point où j'ai pas été finalement dans les clous du jeu. J'ai la notion identitaire, le jeu esthétique, ça j'ai plutôt suivi selon moi. Mais la notion affect, empathie, je l'ai pas eu tellement. Parce que j'ai joué que les rôles qui veulent l'engluer ou le séduire dans les forêts de Milvaux. Et même dans la fin. Toi, tu le. T'étais ni dans la rédemption, ni dans dire qu'il n'était plus qu'un Orla. Et Mathieu était un peu dans la rédemption, mais quand c'est moi qui. C'est moi qui ai suivi. Mais moi, j'ai dit sur la dernière phase que. Il restait un Orla à tout jamais, à errer. C'était pas forcément une phase de rédemption selon moi. Et moi, j'étais pas du tout dans la rédemption. Donc, par rapport au fait de dire. Parce qu'on connaît le personnage, ça va affecter et faire qu'on est plus dans la rédemption. À terme, ça a été quelque sorte une rédemption. C'est quand même assez ténu. C'est une rédemption soumise à condition. Voilà. Pour moi, non. Après, ça dépend quelle table on a, quels joueurs sont là et à quel point ils sont affectés au personnage. Là, t'étais pas très affecté, impacté par le personnage, mais nous on l'a suivi. Je pense que moi et Mathieu on était sur cette pente là. En revanche, imagine que j'ai proposé par exemple à Tignasse. Ah oui, tout d'un coup, enfin personnellement je l'aurais été autant, mais je pense que Yamal l'aurait été plus. Voilà. Par contre, non, le mieux ce serait Ayob. Oui, si c'était Ayob par exemple. Moi par contre, alors ça n'a plus ou aucun. La mouche. Oui. Ça n'a plus aucun rapport maintenant, mais je m'en souviens. C'est par rapport au fait, quand tu parlais de mini-jeu. Oui, je m'en souviens que maintenant. En fait, on disait que ça peut être qu'un mini-jeu, non pas parce que ce n'est pas un jeu à part entière et que ce n'est qu'une filiale d'un jeu, mais parce que c'est plus intéressant lorsqu'il est joué tel que. Après, par rapport à ça, le jouer juste comme ça, en fait, pour moi, il peut être attaché à n'importe quel jeu. Mais à condition qu'il ait une partie légèrement horrifique. Et qu'il cet soit aspect horrifique. Ou alors qu'il soit joué tel quel. Par exemple, on peut prendre n'importe quel jeu classique type Donjons et Dragons. Ça, tu peux pas le jouer alors qu'ils affrontent des pauvres gobelins paumés au milieu d'une plaine. Mais pour moi, ça peut être utilisé même dans du Donjons et Dragons. Dans tout et n'importe quoi, ça peut être utilisé. Et à chaque fois, en soi, pour moi, ça c'est que compléter. Enfin, à titre personnel, j'y jouerai pas comme ça. Pour moi, il faut un contexte avant, parce que m'accrocher à un personnage créé comme ça... Tu n'y arriveras pas. Bah, en fait, dans l'empreinte, ça va, j'y arrive à peu près, parce qu'il y a un contexte, il y a tout autour. Mais là, sans contexte, juste trois personnes qui débattent autour d'un personnage fictif, qu'on ne connaît même pas, je préfère sa version jouée en mini-jeu, qu'il soit, peu importe le jeu maître, qu'en jeu standard. Mais au moins... L'avantage que lorsqu'on l'utilise en mini-jeu, c'est qu'il peut être utilisé partout et n'importe quoi. Donc on peut se retrouver à parler de ce jeu d'un côté quelqu'un qui parlerait que de la partie bisounours, l'autre qui parlait que de la partie horrifique. Parce que pour moi, il peut être joué intégralement en bisounours. Bon, c'est pas vraiment le but escompté, je suppose, mais ça pourrait. Sur. Alors, le fait que tu dises que ça puisse se jouer avec n'importe quoi, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que déjà, les termes de Orla, même si on pourra les modifier à terme. C'est qu'une adaptation, je veux dire le moteur, c'est ça dont je parle. Oui, le moteur, oui, mais ça doit être horrifique et ça doit être en rapport un peu avec le folklore. Je t'ai dit, avec un faut utiliser le moteur. Et si tu utilises le moteur, c'est toute transformation, toute submersion émotionnelle. Par exemple, je le prends dans le cas de Star Wars, côté lumineux, côté obscur. Je le prends dans le cas de... n'importe quel jeu avec deux grandes factions qui s'affrontent, d'un côté la faction des méchants traditionnellement et des gentils. Après, si tu cherches, tu peux faire plein de trucs. Et même à la limite, si tu gardes le moteur, tu peux même agrandir le nombre de personnes qui représenteraient chaque facette. Et t'as toujours une personne centrale qui est la pensée primordiale. Après, et ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin de changer le titre, même si on modifie le moteur pour qu'il s'adapte à d'autres trucs. Après... Mais pour moi, le moteur est intéressant et peut être adapté partout. Le moteur, il ressemble vachement à Maury. Il est... Ouais, mais par rapport à Maury, moi, j'avais détesté Maury. Ça va. Enfin, même, j'ai apprécié. Après, je suis quasiment certain qu'il y a d'autres parties où je dirais ça va ou j'ai pas aimé. Mais celle-là, honnêtement, elle m'a plu. Alors, si on veut faire un hack, oui, t'as raison, ça peut s'adapter à peu près à tous les univers. N'empêche que pour moi, ça reste teinté 1000. Ça reste teinté 1000 Il a été créé pour. Cauchemardesque. Il a été créé pour, donc forcément, si tu regardes le jeu original, ça fera ça. Mais quel que soit un hack, bah, par exemple, le disque monde de mémoire, ça a été un hack de Donjons et Dragons, non? Non. Le jeu Disque Monde, il tourne avec un autre moteur, c'est avec GURPS. Donc c'est un moteur comme... c'est plus pour jouer des héros, et c'est dans l'esprit ludiste dominant de le Disque Monde héros. On en parle des héros du Disque Monde. T'en connais combien? Je connais ceux qu'on a vus dans le film personnellement. Voilà. C'est des héros un peu branlants, et effectivement ça pourrait se transposer. Il y en a un autre aussi. Tu vois, on passe du côté sérieux avec les grands héros qui vont sauver. Ah non, il y en machin. A un de plutôt de moins ridicule, c'est l'inspecteur, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais moi je te dis ce que j'ai vu dans le film avec l'autre, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Rincevent. Voilà, avec Rincevent. Excuse-moi, mais ose me dire que Rincevent paraît crédible comme héros. Voilà. D'ailleurs, c'est du même tonneau. D'ailleurs, il y a un moment, je t'appelais. Il y avait pas un moment où tu. C'est au même titre où des gens peuvent critiquer si ça les amuse. Bon, dans tous les cas, moi, ça m'a permis de me divertir. Ou Donjon de Nahulbeuk, par rapport à Donjon et Dragon, tu passes de héros à une caricature de Donjon et Dragon. Donc tu vois, on peut. Pour moi, tout est transposable. À partir du moment où la personne qui transpose, on va l'appeler transposeur pour le truc, le transposeur sait faire son boulot de transposeur. Et ça peut donner des trucs excellents. C'est mon avis. T'en penses ce que tu veux. Je ne suis pas pleinement satisfait sur la qualité esthétique de la partie. J'ai trouvé qu'il y avait de belles émotions, de belles idées, etc. Parce qu'on s'attachait aux personnages et à leur devenir. Au personnage et à son devenir, mais globalement je pense que c'est concluant et que ça mérite d'être à nouveau exploré, alors peut-être pas façon systématique, mais certains aspects ou certains mécanismes ou modes de questionnement peuvent être intégrés dans d'autres étapes. En y pensant, on l'a évoqué avec Arbre. Je pense que ça peut intéresser et faire progresser du jeu, des situations un peu bloquées dans l'arbre pour sortir d'une routine qui pourrait s'installer, et que ça peut donner une atmosphère différente. Bah, par contre, pour le test, juste par rapport à la phrase finale, et ensuite je coupe, je conseillerais plus de rester sur du Milvaux pour continuer les tests. Parce que comme tu l'as créé pour du Milvaux, il vaut mieux que ça reste dans du Milvaux pour les tests. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. On s'arrête là?